deux engins. Voilà, donc en espérant qu'il y en ait un qui marche. Voilà, donc à toi la parole. Bien, bon, bah, écoutez, merci pour, merci pour votre invitation. Hein. Merci à Ronan Fouadi, que je connais depuis un certain temps, et puis aussi à l'Université de Rennes 2 et la Maison des sciences humaines de Bretagne. Voilà. Donc, alors, si vous voulez, ce que je vous proposais, c'est de réfléchir autour de ces questions des enjeux identitaires postcoloniaux, autour plus précisément de deux personnalités éponymes de ces questions qui sont Aimé Césaire et François Nant. Alors vous avez un ouvrage qui circule, là, je ne sais pas où il se trouve actuellement, qui vient de paraître aux Belles Lettres, et si vous voulez, qui rend compte un peu de la réflexion que j'ai conduite depuis quelques années autour de ces, à la fois de ces deux figures et aussi des points de vue, des thèses, des arguments qu'ils ont avancés dans le cadre de leur trajectoire. Alors, ce qui est intéressant, de prime abord, si vous voulez, c'est de montrer que cette réflexion s'inscrit dans une démarche socio-anthropologique, qui est celle que j'essaie de promouvoir depuis un certain temps. Je crois que monsieur qui est à Nanterre, Paris 10, à Aix-Paris 10, Paris Ouest, maintenant, peut-être, si vous êtes en sociologie, voilà, donc vous avez peut-être en entendre parler. Donc, socio-anthropologie, si vous voulez, c'est-à-dire de quelle façon on peut aujourd'hui être un peu, disons, forcé ou sinon obligé de, non pas simplement d'en s'en tenir peut-être à l'aspect juste sociologique ou essentiellement anthropologique, mais de croiser ces deux disciplines pour essayer de mieux percevoir les phénomènes contemporains compte tenu de phénomènes aussi importants que celui de la mondialisation et que celui des migrations. Donc, si vous voulez, ce sont des phénomènes qui, évidemment, remettent en question un peu la façon dont ces disciplines sociologiques et anthropologiques s'étaient définies au 19e et au 20e siècle, puisque l'une avait pour vocation la sociologie l'étude des sociétés dites développées, hein, des sociétés industrielles, des sociétés à écriture, des sociétés mécaniques, et l'autre, l'anthropologie, avait plutôt pour vocation l'étude des sociétés dites orales, dites traditionnelles, je dis dites évidemment, parce que, entre guillemets, archaïques, etc. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a quand même, si vous voulez, un croisement de ces sociétés, de ces contextes, compte tenu justement de la mondialisation, des structures, si vous voulez, les valeurs et les pratiques antérieures, et compte tenu des migrations qui font que des populations qui antérieurement étaient essentiellement concentrées sur des territoires spécifiques, particuliers, aujourd'hui se trouvent ici même dans les sociétés industrielles développées. Donc le sociologue, hier, il travaillait sur sa société, hein, et l'anthropologue travaillait sur les sociétés dites extérieures. Aujourd'hui, le sociologue est confronté dans son travail lui-même, ici à Rennes, à Paris ou ailleurs, dans les grandes villes, disons, les grandes villes, à des populations, si vous voulez, qui antérieurement relevaient de l'anthropologie. C'est-à-dire que, si vous voulez, les Maliens, les Soninkés, les Laotiens, etc., qui aujourd'hui vivent dans nos villes, si vous voulez, ils viennent aussi avec leur culture et leurs valeurs. Hein. Donc, d'une certaine façon, est-ce que moi, sociologue, je vais continuer à considérer que, si vous voulez, il y a les personnes qui relèvent de mes sociétés industrielles, engagées dans le progrès, dans la dynamique, etc. Mais est-ce que d'une certaine façon, je ne dois pas tenir compte aussi des valeurs qui sont les valeurs que ces populations migrantes apportent avec elles, hein, leur langue, leurs coutumes, leur religion, etc., etc. Donc, si vous voulez, nécessité, je m'excuse, hein, que, oh, voilà. Si vous voulez, nécessité de croiser la sociologie et l'anthropologie, donc une démarche socio-anthropologique, qui fait que je pourrai à la fois aborder les uns et les autres et comprendre peut-être, si vous voulez, les rencontres et les conflits et les difficultés qui concernent ces différentes populations. Donc ça, si vous voulez, c'est développé dans quelques ouvrages. Vous avez vu dans la bibliographie que tu as dû faire circuler dans l'ouvrage, vous verrez. Bon, donc il y a une revue qui s'appelle Socio-anthropologie, il y a une collection Socio-anthropologie, et puis il y a des ouvrages sur la socio-anthropologie. Alors, bon, par rapport au sujet d'aujourd'hui, évidemment, c'est aussi central vis-à-vis de notre sujet, puisque nous nous intéressons à ces populations qui relèvent, plus particulièrement pour Césaire et Fanon, des Antilles, hein, qui relèvent des Antilles, donc qui relèvent d'un processus historique où, là aussi, si vous voulez, il y a eu, d'une certaine manière, migration de populations d'un certain contexte, en l'occurrence l'Afrique, vers des îles situées dans le bassin caribéen et l'installation de ces populations provenant d'Afrique dans ces contextes. Donc, d'une certaine façon, déstructuration de ces populations africaines, la traite, hein, l'esclavage, etc. Donc, déstructuration de ces populations au niveau de leurs pratiques, de leurs valeurs, hein, si vous voulez, et installation forcée dans ces nouveaux territoires qui relèvent du processus de la colonisation. Donc, le processus de colonisation, évidemment, n'a pas été à leur initiative, mais était à l'initiative des Européens, et pour ce qui nous concerne des Antilles, principalement des Français. Hein. Bon, évidemment, vous savez que ces colonisations des Amériques, hein, a été au départ le fait d'abord des Espagnols et des Portugais, hein, qui sont un peu divisés le contexte autour de. Pour un partage entre les cinq et les autres, et puis sont venus un peu plus tard les Anglais, les Hollandais, les Français. Donc les Français se sont installés à Saint-Domingue, évidemment, mais aussi se sont installés aux Antilles, aux Petites Antilles, ce qu'on appelle les Petites Antilles, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, et puis ils ont des éléments qui sont un petit peu autour de ces deux îles principales. Bien, donc, La réflexion que j'ai essayé de mener autour de ces deux auteurs, c'est de voir que ces deux auteurs ont la particularité extrêmement intéressante au niveau socio-anthropologique de croiser dans leur existence et dans leurs écrits à la fois les données sociologiques qui relèvent des classes sociales, des institutions, de l'économie, de l'historique, hein, à la fois ces éléments dans leurs écrits, dans leurs réflexions, disons, écrites, dans les ouvrages qu'on a à notre disposition, et en même temps, si vous voulez, ce qui est beaucoup plus rare, en même temps une réflexion, disons, anthropologique, existentielle, si vous voulez, sur la manière dont eux-mêmes, si vous voulez, ont perçu ces conditions qui leur ont été imposées et qui ont relevé, disons, de l'histoire de leur parentèle antérieure, puisqu'ils sont tous les deux noirs, ils sont tous les deux descendants d'esclaves, disons, qui ont été donc mis en place au 18e dans ces îles. Donc, voyez, donc la présence chez ces deux auteurs, ce qui est très rare, parce que les sociologues, vous connaissez évidemment comme aussi bien moi toute la littérature sociologique, en général, les sociologues parlent peu, si vous voulez, n'expriment peu l'aspect existentiel de leur parcours. Hein. C'est-à-dire que c'est très rare qu'un sociologue chez Durkheim ou chez Weber ou chez les Parsons, etc., on voit très peu de textes, si vous voulez, qui nous rendent compte de la manière dont, sauf à la fin de leur vie, en général, sauf à la fin de leur vie, donc comme Bourdieu à la fin de sa vie, il a fait un petit texte, si vous voulez, où il renvoie un petit peu à son parcours. Mais en général, si vous voulez, on ne sait absolument pas, on a l'impression que, si vous voulez, ce sont essentiellement des concepts, hein, des notions. Mais il n'y a pas, si vous voulez, la manière de voir comment ces concepts et ces notions émergent. Alors que chez Césaire et Fanon, nous allons voir que, d'une certaine façon, voilà, c'est extrêmement intriqué, imbriqué dans le parcours qui ont été le leur au niveau à la fois sociologique, dans le contexte, hein, des Antilles françaises, et à la fois existentiel au niveau de leur capacité personnelle, littéraire, si vous voulez, à exprimer d'une autre façon les conditions, les angoisses, les valeurs, si vous voulez, qui ont été les leurs face à aux situations qui leur ont été imposées et face aux propositions conceptuelles, aux notions qu'ils ont mis en place vis-à-vis de ces situations. Alors peut-être rapidement, je vais vous rappeler un peu la chronologie de ces deux personnages. Hein. Bon, ils sont connus plus ou moins. Hein. Je ne sais pas si tout le monde est bien au courant, si vous voulez, de Aimé Césaire et François Fanon, si vous voulez, le parcours. Aimé Césaire, relativement, disons, plus connu, compte tenu du fait qu'il est décédé il y a peu de temps. Hein. Donc, si vous voulez, et là, à 94 ans, et si vous voulez, d'une certaine manière, il a été à la fin de sa vie, il a eu les honneurs, avec la présence du président de la République et de, donc Aimé Césaire, si vous voulez, à la fin de sa vie, d'une certaine façon, mais c'est souvent comme ça, si vous voulez, c'est seulement lorsqu'il est prêt de partir, hein, il est mort le 17 avril 2007, que, effectivement, on lui reconnaît une valeur particulière. Bon. Donc, le premier Aimé Césaire, il est né en 1913. Il est né en 1913 à la Martinique, hein, et ce qui est particulier chez lui, enfin par rapport à Fanon, évidemment, c'est une comparaison entre ces deux auteurs, hein, et leurs écrits, c'est que lui, il est né à Basse-Pointe, c'est-à-dire dans le nord de l'île de la Martinique, et si vous voulez, c'est un contexte qui est marqué par les plantations, la plantation de canne à sucre, qui est marqué par une population à la fois d'origine noire esclavagiste et aussi d'origine indienne, donc des Indes, hein, de l'Inde, qui a été importée d'Inde à la Martinique après l'abolition de l'esclavage en 1848. Au moment de l'abolition de l'esclavage en 1848, à ce moment-là, les personnes qui étaient assignées au travail dans les plantations ont pris leur liberté, puisqu'ils étaient libres. Ils devenaient citoyens libres. Donc, d'une certaine façon, dans les plantations, il y a eu d'un seul coup un manque de main-d'œuvre. Hein, si vous voulez. Alors les planteurs se sont tournés, ont sollicité l'administration coloniale, l'administration française, pour leur dire, écoutez, on a besoin de main-d'œuvre, et est-ce que vous pouvez... C'est pour ça que, compte tenu des possessions françaises en Extrême-Orient, si vous voulez, ou en Madagascar, donc des personnes, des travailleurs, alors, pas des travailleurs forcés, mais si vous voulez, quelque part, des personnes qui on les a sollicités en disant, ben voilà, vous aurez une position un peu meilleure, ou donc, c'est dans votre propre contexte, enfin, évidemment, c'est tout à fait discutable. Mais si vous voulez, donc voilà, donc ces personnes se sont trouvées à remplacer, si vous voulez, les ouvriers agricoles, et qui, a priori, évidemment, ont essayé, dans les petits jardins potagers, dans les tout petits terrains qu'ils pouvaient avoir, de vivre librement, sans avoir, la pression du maître et du commandeur et de toute la structure, antérieure. Donc cette situation, c'est celle auquel a été confronté donc Aimé Césaire à Basse-Pointe, hein, si vous voulez, dans le nord de l'île. Donc c'est une situation dans laquelle Aimé Césaire, dans sa jeunesse, si vous voulez, a connu vraiment la vie effective des ouvriers agricoles, soit venant de l'extérieur, soit les descendants des esclaves, qui vivaient de façon extrêmement chiche et difficile. Hein. Donc, difficile, dont lui... sa famille, si vous voulez, son père a été donc économe dans une plantation, il a été à un moment instituteur, et puis il a passé un concours, il a réussi donc ce concours, et il a eu un poste un petit peu plus élevé, mais extrêmement peu lucratif, et sa mère, donc vous avez lu, je ne sais pas si vous avez lu le cahier d'un retour au pays natal, donc qu'il a écrit en 1939, donc si vous voulez, dans ce cahier d'un retour au pays natal, il montre un peu quelle a été son enfance. Hein. C'est une enfance très très pauvre, hein, très très pauvre, dans une petite maison, dans laquelle Sylvie a plusieurs enfants, ils étaient là à survivre, hein, plus à survivre. Donc voilà, donc ça c'est quand même extrêmement intéressant pour comprendre aussi les travaux et les réflexions ultérieures d'Aimé Césaire. Bien, François Fanon, lui, il est né en 1925. Donc là, on est en 1913, donc vous voyez, il y a 12 ans de différence entre le premier et le second. 1913 pour Aimé Césaire et 1925 pour François Fanon. François Fanon est né à Fort-de-France. Donc là, vous voyez une différence très nette. Il est né dans, la capitale, entre guillemets, de la Martinique. Donc c'est un jeune citadin, va faire sa scolarité donc à Fort-de-France. Son père, par contre, est contrôleur aux impôts. Il a donc un salaire relativement correct. Il est quasiment fonctionnaire, si vous voulez. Sa mère tient un commerce. Donc c'est un, disons que c'est une famille qui est un petit peu au milieu de l'échelle sociale, si vous voulez. Donc, ce contexte, si vous voulez, il n'est pas celui que connaît Césaire. Et Fanon, donc, connaît peu ou pas, si vous voulez, les conditions effectives des travailleurs dans les plantations, etc. Et il les connaît d'autant moins qu'avant avant 1940, si vous voulez, avant la Seconde Guerre mondiale, ses parents ou son entourage ne tenaient peu ou pas à faire référence au passé esclavagiste. Et ça, si vous voulez, on retrouve ça chez Marie Scondé, hein, vous connaissez aussi Marie Scondé, l'auteur antillaise, qui montre bien comment depuis 1848 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, a priori, il y avait possibilité pour un certain nombre de personnes, qui étaient maintenant libres, d'hommes ou de femmes libres, d'envisager des carrières. Hein. Envisager des carrières, soit d'enseignant, soit de maire, soit de conseiller municipal, soit de, enfin, c'est de s'insérer un peu dans le processus qui était celui de la République française. Hein. Donc, d'une certaine façon, si vous voulez, d'oublier le passé antérieur qui était celui du labeur, du fouet, de l'horreur, hein, si vous voulez, de l'horreur qui a prévalu pendant plus d'un siècle, hein, de l'école noire, etc. Donc, si vous voulez, d'oublier toutes ces situations et de faire en sorte que ils se considéraient comme des Français. Hein. Ils se considéraient comme des Français. Alors, ils pouvaient se considérer d'autant plus comme des Français qu'à l'époque, à la Martinique, bon, je parle un peu moins de la Guadeloupe puisque tous les deux sont originaires de la Martinique, mais enfin, il y a des choses similaires puisque Marie Scondé est guadeloupéenne. Donc, il y a aussi le phénomène suivant, c'est que les descendants des Européens, des Français qui se sont installés à la Martinique et qui deviennent les reines du commerce, de l'industrie, l'ensemble des étudiants qu'on appelle les béquets. Et les béquets sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux, les béquets, si vous voulez. Donc, si vous voulez, et en plus, ils vivent à l'extérieur, etc. Donc, il n'y a pas un mélange, si vous voulez, effectif entre la population noire et la population des béquets. Donc, si vous voulez, les noirs, si vous voulez, sont pas confrontés à tout instant à un antagonisme éventuel entre ceux qui tiennent les rênes du pouvoir, mais qui sont un peu qui se tiennent à l'écart et qui tiennent surtout pas à se mêler avec la population noire. Donc ils tiennent pas à se mêler avec la population noire. La population noire ne tient pas non plus tellement à se mêler avec eux. Donc comme ça, si vous voulez, il y a une espèce de modus vivendi qui fait que, alors il y a des révoltes évidemment, il y a des luttes ouvrières, il y a des explosions dans les plantations, etc. Mais si vous voulez, a priori, le racisme, il y a un racisme hein, indéniable, mais ce racisme est moins explicite qu'il pourra le devenir lorsque Aimé Césaire et François Fanon vont pouvoir le constater en France. Hein. En France où là, effectivement, c'est absolument l'inverse. Hein. C'est-à-dire qu'en tant que noirs, ils sont plongés dans un univers blanc. Alors que là, à la Martinique, ils sont dans l'univers noir, hein, si vous voulez, à part c'est donc ces minorités. Donc Césaire, si vous voulez, donc quel est un peu le parcours de Césaire? Eh bien, Césaire, c'est une fois qu'il a fait son école primaire dans le nord de la Martinique, hein, donc à la Basse-Pointe, et puis après, si vous voulez, il est boursier, il est donc au lycée Schoelcher, et là, c'est un très bon étudiant, c'est un très bon élève, d'abord, et c'est un très bon étudiant ensuite, qui lui permet d'avoir une bourse pour le lycée Saint-Louis à Paris. Donc, une boursier en Hippocagne à Saint-Louis en 1931. Donc, si vous voulez, et en même temps, lui, c'est ce qu'il souhaite, parce que lui, il vit mal cette situation. Vous voyez, au lycée, il a vu justement quand même des enfants, des béquets, il a vu, si vous voulez, que lui, le petit noir de la campagne, hein, si vous voulez, il était quand même relativement stigmatisé, hein, parce que finalement, les autres, c'était enfants des blancs, pour partie, les dominates. Et donc, d'une certaine manière, il commençait de voir justement les problèmes. Et il n'avait qu'une hâte, c'est d'aller à Paris, le centre, à la grande capitale de cette France dont on parle depuis toujours. Donc, cette situation le conduit au lycée Saint-Louis. Il réussit en 1935 son concours d'entrée à l'école normale supérieure. Hein. École normale supérieure, donc qui est vraiment la crème de la crème, hein, au niveau d'un parcours d'un jeune élève. Hein. Donc, il réussit le concours d'entrée à l'école normale supérieure, et à Saint-Louis, il rencontre un certain nombre de personnes en provenance à la fois des territoires d'outre-mer, tels que la Guyane, donc Damas, en rencontrant Damas, et aussi il rencontre Senghor. Senghor qui lui vient du Sénégal, et Diop également aussi, qui vient aussi de cette région de l'Afrique. Donc si vous voulez, ils sont un certain nombre de, étant très peu nombreux d'origine africaine, évidemment, ils ont tendance à se regrouper et à réfléchir ensemble, ils se mettent à réfléchir ensemble sur ce qu'ils sont par rapport à la société dans laquelle ils sont maintenant immergés, c'est-à-dire la société française classique des années, vous voyez, des années 30. Hein. Alors il faut imaginer, la société française des années 30, ce n'est pas celle dont je parle aujourd'hui dans le cadre de la socio-anthropologie. C'est une société, si vous voulez, qui est essentiellement, quasiment essentiellement blanche. Hein. Des populaires. Alors, il y a des immigrés, évidemment, il y a des immigrés aussi, mais les immigrés, c'est des immigrés italiens, c'est des immigrés polonais, mais si vous voulez, c'est des immigrés européens, si vous voulez. Donc il y a effectivement des personnes qui viennent d'Afrique, il y a des personnes qui viennent d'Asie, mais ils sont en petit nombre. Hein. Il y a des ouvriers qui sont, des ouvriers asiatiques à Bordeaux, il y a des Africains aussi qui travaillent dans tel ou tel contexte, il y a, si vous voulez, il y a les populations musulmanes de l'Afrique du Maghreb qui sont prises en compte évidemment par le gouvernement, qui ouvre un hôpital franco-musulman, etc., qui construit une mosquée et tout. Mais si vous voulez, c'est des très petits nombres, hein, des très petits nombres. Donc, dans ce contexte-là, si vous voulez, il voit aussi la façon dont il est traité en tant que noir, en noir dans une société blanche. Hein. Donc souvent, si vous voulez, c'est le racisme. C'est la curiosité d'abord, souvent la curiosité. Hein. C'est la curiosité, mais en même temps une curiosité, si vous voulez, qui n'est pas forcément très positive. Hein. C'est quand même l'idée que les Noirs, quelque part, il a beau être antillais, ils descendent de ces esclaves, ils descendent de cette population de barbares, entre guillemets, hein, une population de sauvages. Hein. Donc, si vous voulez, lui, il a l'air évidemment quelqu'un qui a fait normal sup, non, c'est pas un sauvage, à moins là. Hein. Et il tient vraiment son rang au niveau des réflexions. Hein. Et il faudrait. Bon. Donc, si vous voulez, il est quand même confronté à un racisme, disons, effectif. Et à ce moment-là, que faire? Comment se comporter? Est-ce que le choix, c'est de faire ce que faisaient ses parents aux Antilles, qui était relativement un peu plus possible, c'est-à-dire de s'intégrer dans cette idée d'une nation française qui réunit tous ses enfants sans problème de couleur et de race ou quoi que ce soit? Ou est-ce que c'est pas, d'une certaine façon, soit choisir cette intégration-assimilation, ou soit au contraire d'essayer de retrouver ses racines? D'essayer de dire, mais qui sommes-nous, hein? Qui sommes-nous vraiment? Qui nous, c'est, puisqu'on nous, on nous montre, hein? On n'arrête pas de nous montrer. On nous montre pas à cause de la couleur de nos peaux, à cause de ceci, cela. On n'arrête pas de nous désigner d'une certaine manière. Hein? Donc, qui sommes-nous réellement? Et alors, à ce moment-là, toute une réflexion, si vous voulez, théorique, sur les origines de cette. Quels étaient les ensembles populationnels dont ces originaires d'Outre-mer ou du Sénégal relève. Et là, donc, à ce moment-là, le concept qui va émerger de négritude, hein, le concept de négritude qui va émerger autour de les réflexions qu'ils mènent entre eux et aussi autour des lectures, hein, qu'ils font d'auteurs tels que Frobenius, tels que d'autres auteurs, si vous voulez, qui ont anthropologues ou sociologues qui ont travaillé sur l'Afrique et qui ont montré que l'Afrique n'est pas un désert, n'est pas un lieu sans culture, n'est pas un lieu sans histoire, qui est très riche, si vous voulez, de qualités et de valeurs qu'il est nécessaire de faire réémerger. Donc l'idée de l'agriculture, c'est un peu cette idée fondamentale qu'il y a ailleurs, il s'est passé des choses extrêmement importantes et on nous les a cachées, on les a oblitérées, hein, de façon, a priori, plus volontaire qu'involontaire, mais si vous voulez, dans l'enseignement tel qu'il était donné à la Martinique, à la Guadeloupe, au Sénégal, si vous voulez, il était fait peu de référence, si vous voulez, au royaume qui prévalait du Bénin ou d'ailleurs, si vous voulez, qui prévalait en Afrique et, si vous voulez, à toute la richesse de, aussi bien de l'art, de la littérature, des contes, de la musique, etc., qui était celle de leurs ancêtres. Et ça, c'était, si vous voulez, oblitéré. C'était oblitéré. Donc, c'était oblitéré. Donc, d'une certaine manière, si vous voulez, donc, réémergence. Hein, donc, c'est pour ça que je parle d'endorisme, si vous voulez, quelque chose qui remonte de la surface, si vous voulez, qui, a priori, n'est pas présent, mais dans l'approche socio-anthropologique, c'est l'idée qu'il y a des éléments qui, comme le folklore, d'une certaine façon, qui qui peu à peu, pour des raisons, si vous voulez, historiques, contextuelles et aussi de personnalité, font que quelque chose qui a priori n'avait plus de raison d'être devient une réalité, devient une réalité. C'est-à-dire que la négritude, si vous voulez, à partir d'un certain moment, Aimé Césaire, dans entre autres le cahier d'un retour pays natal, si vous voulez, chante, si vous voulez, l'Afrique telle l'Afrique de ses aïeux. Hein. Il, avec les qualités, si vous voulez, littéraires qu'il a, les qualités littéraires, il nous montre, on pourrait éventuellement le dire dans l'ouvrage, un passage ou l'autre des cahiers d'un retour pays natal, mais si vous voulez, c'est une grande poésie, c'est une grande capacité non seulement poétique, mais aussi sociologique. Hein, si vous voulez, c'est pour ça l'existentiel et le sociétal. Hein. L'existentiel, c'est-à-dire il est capable de dire que moi, si vous voulez, africain, si vous voulez, je relève d'une très haute antériorité, si vous voulez, avec des qualités indéniables au niveau de réalisation, et en même temps, je subis une situation. Hein. Je subis une situation, et dans son ouvrage « Le cahier d'un retour au pays natal », il montre bien comment, lui-même, donc en 39, il constate que la Martinique est passée, il dit, à côté de son cri. Hein. C'est-à-dire que les Antillais sont passés à côté de la capacité à dire, si vous voulez, disons, l'horreur qui était la leur, et dire aussi les situations qui sont quand même pas du tout satisfaisantes, qui continuent à être les leurs, malgré l'abolition de l'esclavage. Hein. Bon. Donc, si vous voulez, cette situation, il l'analyse, il la met en scène et il l'analyse. Hein. Donc, il y a la double conjonction, si vous voulez, dialectique entre théorie et pratique, hein, pratique et théorie. Donc, si vous voulez, il y a vraiment la. C'est vraiment extrêmement intéressant. C'est pour ça que je pense que c'est assez socio-anthropologique comme démarche. Et qu'on ne voit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez la plupart des auteurs canoniques. Donc, voilà ce que fait Aimé Césaire, s'il plaît. Il a avec ses amis, mis en place une petite revue qui s'appelle L'étudiant noir, hein, qui mettant en place une réflexion sur ce que je viens de dire autour de la négritude. Et donc Césaire continue ses études. Bon, il est engagé, il part, il va retourner en Martinique pour prendre un poste au lycée Schoelcher. Et à ce moment, bon, il s'est marié, etc. Donc, c'est quand même intéressant. Hein. Surtout qu'il s'est marié avec une personne, Suzanne Roussy, qui est aussi une poète importante. Donc il retourne à la Martinique et il commence à enseigner dans les années 40 au lycée Schoelcher. Quid de Fanon pendant cette époque? Ben, si vous voulez, jusqu'aux années 40, Fanon mène une scolarité classique, hein, au lycée Schoelcher. Il n'est pas un étudiant très brillant, mais il n'est pas non plus un mauvais étudiant. Il est assez, je dirais pas indiscipliné, mais enfin, si vous voulez, il poursuit sa scolarité en allant principalement en Fort-de-France, mais aussi une autre ville qui s'appelle François. Et donc, si vous voulez, il poursuit normalement le parcours d'un bon lycéen. Mais ce qui va se passer, c'est, la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, qui va complètement remettre en question, aussi bien pour Césaire que François Fanon, les conditions, qui prévalaient à la Martinique. Alors, pour quelles raisons, plus particulièrement? Bon, comme vous le savez, donc, le gouvernement français, en 40, compte tenu de la défaite face aux Allemands, aux nazis, c'est l'occupation, c'est le gouvernement de Pétain. Et le gouvernement de Pétain, si vous voulez, il radie aussi sur les possessions françaises outre-mer. Et il envoie à la Martinique des marins, avec l'amiral Robert à sa tête. Et ces marins, si vous voulez, en très grand nombre, s'installent à Fort-de-France et dans les différentes villes de Martinique. Ces marins, ils sont des franco-français. Bon. Donc, si vous voulez, qui se trouvent dans une situation qui, si vous voulez, ne leur plaît pas beaucoup. Hein, parce qu'évidemment, ils n'ont pas, des casernes et des conditions qui étaient la leur en France. Donc, ils ne sont pas dans un état, si vous voulez, d'acceptabilité de la population qui se trouve à la Martinique, et en particulier du fait que cette population est noire, hein, en grande majorité. Hein. Les béquets se tiennent un peu, évidemment, les béquets sont plus proches de l'amiral Robert et de et de ses coéquipiers. Mais bon, voilà, mais si vous voulez, mais l'immense majorité de la population étant noire, ces marins blancs, plus ou moins racistes, le deviennent vraiment, compte tenu des conditions qui sont les leurs, face à ces populations noires. Et donc, les Martiniquais se disent, mais ça, c'est quand même, ouais, on est étonné, ouais, ça dessine un peu l'image qu'ils avaient un peu irénique de la France républicaine, si vous voulez, où le racisme était peu présent. Bon, on avait les béquets d'un côté, mais enfin, le reste, si vous voulez, ça se passait entre nous, etc. Aujourd'hui, les marins, si vous voulez, ils circulent, il y a des logements leur attribués, etc. Et ils montrent leur morgue, etc. Ainsi, donc ce qui fait réfléchir d'autant plus les Antillais, enfin les Martiniquais, sur leur réalité. Et sont-ils vraiment français à l'égal des autres, ou sur aussi leur origine, etc. Donc à ce moment-là, Césaire, lui, est en place. Hein. Il est au lycée de Schœlcher, il enseigne au lycée de Schœlcher. Et avec un certain nombre de ses amis, il se dit comment résister à cette situation, que peut-on faire face à un gouvernement qui est un gouvernement autoritaire, hein, qui est issu du gouvernement de Pichy, hein, donc force d'occupation, on peut dire force d'occupation. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette situation? Et à ce moment-là, donc avec René Ménil, avec Suzanne Roussy, sa femme, avec lui-même et quelques autres compagnons, ils font une revue qui s'appelle Tropique. Tropique. Donc ils font cette revue Tropique en 1940, et ils vont jusqu'à la libération, donc publier régulièrement, de manière plus ou moins semestrielle, des numéros dans lesquels ils vont essayer de continuer cette réflexion sur la négritude, hein, sur leur reflet, leur rattachement à ce qu'avait pu exposer un certain nombre d'auteurs, hein, américains, français ou autres, ethnologues ou historiens, d'une part, et d'autre part, essayer de parler de façon discrète de la situation telle qu'elle prévaut à la Martinique. Alors ils sont sujets à censure, hein, il faut qu'ils soient prudents, hein, si vous voulez, dans les écrits qu'ils le publient, parce qu'évidemment, l'autorité militaire, etc., donc surveille d'assez près ces quelques, entre guillemets, agitateurs, hein, qui ont fondé cette revue, qui a quand même une diffusion extrêmement limitée, hein, mais qui existe, mais qui est là, qui est donc, si vous voulez, qui ils disent, nous, on est contre l'ombre, on est pour la vérité, on est contre, si vous voulez, le boisseau qui s'est imposé sur l'île, et on peut essayer donc de montrer qu'il y a d'autres dimensions à nos valeurs que celles qu'on essaye de nous imposer. C'est cette revue que André Breton trouvera à la Martinique, hein, André Breton, et qui sera absolument subjugué par la qualité, si vous voulez, littéraire et aussi intellectuelle, des écrits de Césaire et de ses amis. Hein. Donc par hasard, il tombe sur cette revue, hein, qui est quasiment la seule qui existe sur l'île, et donc il est absolument subjugué, Lévi-Strauss aussi dans le même voyage, aussi vers cette revue. Et donc, d'une certaine manière, c'est une continuité, un approfondissement de la réflexion sur la négritude, mais qui se dépasse déjà, vous voyez, qui se dépasse, parce que là, on n'est plus, si vous voulez, dans le mémorial, on n'est plus simplement dans l'identité mémorielle. On est au-delà de l'identité mémorielle, parce qu'on est confronté à des événements politiques qui sont ceux de, si vous voulez, du racisme, hein, du racisme de ces populations marines, enfin, ces marins, si vous voulez, qui représentent la France, hein, officielle, hein, parce qu'ils représentent la France officielle, et qui vont à l'encontre de ce qu'on pouvait attendre, justement, sur la réalité de la République française. Donc, cette situation... Alors, qu'est-ce qu'il y a du côté de Fanon? Fanon est plus jeune, hein, évidemment. Mais, si vous voulez, Fanon n'est pas du tout indifférent à cette présence aussi de ces marins qui narguent les Antillais. Donc, Fanon décide, en 1943, d'essayer de rejoindre les troupes alliées, c'est-à-dire les Anglais, les Américains, les Canadiens, qui sont dans le pourtour de la Martinique, hein, de la Martinique, des petites îles françaises. Hein. Donc, il essaie de les rejoindre, il va à la Dominique, hein, la Dominique, c'est une petite île qui se trouve entre la Guadeloupe et la Martinique, petite île britannique, hein, enfin, sous le pavillon britannique. Et alors, il c'est une expédition assez étonnante, hein, pas en pleine nuit, etc., quelques-uns, bon, comme il est très jeune, si vous voulez, bon, il est un petit peu découragé par les autorités britanniques de s'engager tout de suite, mais donc il revient à la Martinique, et à partir de 44, si vous voulez, là, à ce moment-là, il y a, disons, les marins français, enfin, l'amiral Robert, etc., bon, se retire, hein, de la Martinique, et à ce moment-là, des bataillons sont formés pour rejoindre les forces gaullistes qui vont aller au Maroc et s'intégrer dans les troupes qui font la campagne du Maroc, de l'Algérie, puis de la France, et remontent le long du Rhône jusqu'au Rhin. Et donc Fanon est un soldat, si vous voulez, est un soldat qui, en tant que Français, se dit français, il est français, en tant que français, va lutter contre le nazisme, contre l'oppression, contre le fascisme, etc. Donc il dit, moi, ma place est parmi ces troupes, hein, alliées, françaises, américaines, britanniques, etc. Et je fais donc la campagne du Rhône, dans les Vosges, etc. Et là, il est blessé, il est hospitalisé, donc il montre un courage indéniable, et il est, paradoxe de l'histoire, il est décoré par le général Salan. Par le général Salan, c'est un paradoxe, parce qu'il a pensé ce que sera la position de Salan directement en Algérie. Donc il est décoré, il a une médaille militaire, et alors à ce moment-là, bon, ben, une fois qu'il a été hospitalisé, bon, la guerre se termine, là il a quand même remarqué quand même le racisme. Hein. Il a encore une fois, et de plus en plus, là c'était en France, hein. c'est plus les marins qui sont venus à la Martinique, mais là il était dans les troupes françaises. Hein. Donc là, déjà, il a remarqué que dans les troupes françaises, il y a des hiérarchies. Hein. Et eux, en tant qu'antillais, ben, ils sont une position meilleure que les Sénégalais. Parce qu'effectivement, ils sont plus instruits, et en particulier Fanon, et puis ses amis, Manville et d'autres, hein, Mossol, Manville, etc. Ils sont des lycéens, ils ont le bac, ou ils vont avoir le bac. Et si vous voulez, donc, ils ont une position, je ne sais pas, ça serait genre adjudant ou enfin une situation intermédiaire entre le corps de troupes, hein, si vous voulez, qui est formé par des personnes originaires de l'Afrique noire et eux qui sont des Antillais, qui sont pour la hiérarchie pas des quasi-français, mais enfin qui sont bons, qui ont une qualité qu'on leur reconnaît au niveau de l'encadrement, parce que évidemment, comme ils sont noirs, ils peuvent être peut-être mieux acceptés par leur régionnaire, mais en même temps, ils n'ont pas à se mêler non plus à la hiérarchie qui est socialement blanche. Donc Fanon, après ses opérations, donc il écrit à ses parents, il dit, je crois que là, je suis passé un peu à côté de la réalité, et en fait, je me suis trompé. Hein. Je me suis trompé, je suis parti dans une lutte qui n'était pas la mienne, hein, qui n'était pas forcément la mienne. Je pensais que c'était la mienne, du côté des Français de France, hein, mais j'ai vu d'abord que beaucoup de ces Français de France s'impliquaient relativement peu dans la lutte. Hein. Bon, c'est vrai que pendant l'occupation, on a eu de nombreux témoignages qu'une grande partie de la population n'était pas spécialement résistante, hein, face au nazisme, etc. Donc il est dit, je me suis engagé, moi qui venais de la Martinique, je me suis engagé d'une manière beaucoup plus radicale que beaucoup de gens qui habitaient ici, qui habitent en métropole et qui n'ont pas bougé de manière vraiment conséquente. Donc il y a eu un peu une erreur. Il y a eu une erreur de ma conception de la situation. Donc retour à la Martinique. Hein, donc nous sommes aussi bien pour Césaire que Fanon, évidemment, dans les années 44-45. Alors là, vous voyez, comme dirait l'autre, hein, que faire, hein. Donc évidemment, hein, que faire, c'est une question essentielle pour tout homme politique, hein, ou enfin, toute personne qui réfléchit sur la situation historique dans laquelle il est confronté. Et donc, là, deux options très relativement différentes, adoptées par l'un et par l'autre. Par l'un, le premier, Aimé Césaire, c'est de, compte tenu de sa connaissance approfondie de la réalité martiniquaise, qui a moins Fanon. Hein. Fanon, c'était un citadin, c'était un urbain, à Martinique et tout ça. Donc, compte tenu de la connaissance approfondie de Césaire de la situation de la population martiniquaise, compte tenu de son... disons, du fait qu'il remarque qu'il y a une grande misère absolument énorme qui très beau parmi ces populations. Donc il dit qu'il faut s'engager dans le combat politique, politicien, politique classique. Donc il se présente malgré des réticences, parce que lui, le grand poète, etc., il se voit, si vous voulez, il n'a pas, il ne s'imaginait pas pouvoir, si vous voulez, devenir un homme politique tel qu'on désigne, tel qu'en général, ils sont désignés. Donc il accepte d'être présent sur la liste du Parti communiste français, et il est élu. Il est élu député et maire de Fort-de-France, hein, à la fois député et maire de Fort-de-France sur une liste du Parti communiste français. Donc là, c'est vraiment un choix, si vous voulez, un choix très net. Et un choix qui... Alors il faut voir le Parti communiste français, si vous voulez, c'est le premier parti, hein, après la Libération, c'est le premier parti politique français. Hein, c'est-à-dire c'est le parti qui a mené la lutte aussi contre les nazis, c'est le parti qui renvoie au socialisme, qui renvoie à l'Union soviétique, qui renvoie, si vous voulez, à un développement éventuel des colonies aussi, qui devraient avoir une émancipation effective. Donc c'est pour ça c'est comme ça qu'on doit situer, hein, si vous voulez, l'engagement de Césaire. Donc l'engagement de Césaire, si vous voulez, il est logique avec quelqu'un qui, a priori, veut transformer fondamentalement les conditions qui prévalent dans son pays, hein, dans le lieu où il habite. Alors, 45... Si vous voulez, en même temps 46, si vous voulez, c'est l'idée que comment faire pour, disons, améliorer effectivement la situation des Martiniquais, ou des Guadeloupéens, et des gens qui relèvent ceci nous amène à la loi de départementalisation. Hein, 1946, loi de départementalisation, loi proposée par Aimé Césaire. Hein. Donc c'est quand même, vous voyez, donc là il associe, hein, on est bien dans l'association entre le sociétal et l'existentiel. Hein. Le poète du cahier d'un retour au pays natal est capable aussi de réfléchir politiquement, hein, si vous voulez, au niveau sociétal, si vous voulez, sur les éléments qui seraient capables, si vous voulez, d'améliorer, sinon de transformer la condition de vie de l'ensemble des Martiniquais. En 46. Aimé Césaire est rapporteur de la loi sur la départementalisation à l'Assemblée nationale en 1946, et cette loi est adoptée. Donc, ce qui veut dire que les départements d'outre-mer, c'est-à-dire la Martinique, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, donc, je ne l'oublie pas, non, donc sont maintenant des départements comme les départements c'est un département comme un autre. C'est vraiment, ou comme Meurthe-et-Moselle, etc. Donc, si vous voulez, ça veut dire que les conditions qui prévalent en Meurthe-et-Moselle doivent être aussi appliquées et s'exercer, disons, à la Martinique ou à la Guadeloupe, ou à la Guyane ou à la Réunion. Donc, ça veut dire que les dons à la sécurité sociale, ça veut dire que les conditions de logement, l'éducation et tout ça, doit se développer comme cela se développe en France. Alors ça, si vous voulez... Bon, quelque part, c'est un pari. Hein. À cette époque-là, ce n'était pas tellement un pari, parce que, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Parti communiste encore prédominait. Hein. Peu à peu, évidemment, il va avoir des difficultés à maintenir, et très rapidement, à maintenir son hégémonie. Mais si vous voulez, les partis socialistes aussi, c'est FIO, extrêmement important et tout. Donc, si vous voulez, la gauche est vraiment, vraiment présente sur la métropole, et la gauche, si vous voulez, défend aussi cette idée que, à partir du moment où ces départements font partie de l'ensemble qui constitue la République française, et bien donc tout doit doit plus ou moins se concilier. On va voir que c'est pas effectivement ce qui se passe. Fanon, qu'est-ce qu'il opte ? Donc, on est toujours en 46. Quelle est la position que va prendre Fanon ? Fanon, il va suivre un peu la campagne de Césaire. Hein. Il va dire, ouais, effectivement, ça pourrait être une possibilité, hein, de s'impliquer dans la politique insulaire, de s'impliquer insulaire et, disons, ouvert sur la métropole. Ça pourrait être une possibilité, mais il n'est pas, disons, convaincu par les arguments des uns des autres, il voit déjà un peu les tensions qui commencent à émerger au sein des différents partis présents sur la scène politique. Et disons, il a toujours cette situation ambivalente, si vous voulez, qu'il les décrira bien dans Peau noire, masque blanc, si vous voulez, qui est que le fait, bon, il sait bien que son origine ancienne, si vous voulez, c'est si vous voulez, c'est la traite, l'esclavage et tout ça, de ses parents et de ses grands-parents, etc. Mais en même temps, si vous voulez, il veut être un homme comme un autre. Il veut à tout prix, si vous voulez, montrer l'universalité de sa propre personnalité. C'est-à-dire qu'il ne veut pas être astreint, si vous voulez, à des phénomènes historiques qui l'ont précédé. Hein. Il dit, si vous voulez, je ne veux pas être esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes ancêtres. Donc il ne veut pas être esclave de l'esclavage. Donc, alors ça, bon, ça, c'est un peu illusoire, hein, mais c'est quand même c'est le fait. Hein. Il se veut, donc... Alors, pour ce faire, c'est qu'il ne va pas rester à la Martinique. C'est à la Martinique, tout le temps, ça va lui rappeler, effectivement, l'esclavage, la traite, etc. Les mulâtres, les métis, enfin, toutes les situations qui sont celles de la population martiniquaise ou antillaise. Donc, il retourne en France. Il retourne en France, et là, il se dit, je vais essayer de me faire oublier, et pour me faire oublier en France, je ne vais pas rester à Paris, parce qu'à Paris, il y a quand même un certain nombre de mes concitoyens qui sont là, qui sont présents, il y a toute ce qui était autour de Césaire avec les revues, l'étudiant noir, ou d'autres revues, et puis il y a aussi des Américains noirs, etc. Il y a une communauté noire effective, donc il part à Lyon. Il dit, je vais faire des études à Lyon. Il fait des études de médecine à Lyon, en psychiatrie, et là, si vous voulez, il a un parcours tout à fait... conséquent, il avait pensé alimentaire, mais il a un parcours tout à fait conséquent qui lui permet, si vous voulez, d'obtenir son diplôme et de devenir médecin-chef, d'avoir un statut de médecin-chef. En soutenant une thèse, donc, et puis, donc, statut important qu'il exerce dans différents lieux, etc. Il s'intéresse particulièrement à la psychothérapie institutionnelle avec le docteur Toscales. Et là, un point extrêmement important sur lequel il faut insister pour la suite, c'est le fait que dans l'exercice de ses fonctions, dans les hôpitaux de la région Rhône-Alpes, si vous voulez, il est confronté à l'hôpital psychiatrique à des Nord-Africains, à des Maghrébins. Si vous voulez. Parce qu'à l'époque, donc, il y a une grosse main-d'œuvre originaire principalement d'Algérie qui travaille dans les usines de la région. Et face à ces autres colonisés, hein, puisque la France a colonisé l'Algérie. Hein. Donc, face à ces autres colonisés, qui, quelque part, sont aussi... C'est une colonie département, hein, c'est une colonie ambivalente, hein, parce que l'Algérie est constituée de trois départements. Donc, face à ces maghrébins, si vous voulez, qui sont dans des conditions qui ne sont pas du tout les siennes. Hein. Fanon, c'est un chef, c'est un médecin diplômé qui s'exprime extrêmement bien, très bon dans l'élocution en français, qui a un statut important dans l'institution, hein, qu'on vient même, il est noir ou pas noir, mais qui a un rang absolument. Alors que ces travailleurs, ce sont des manœuvres. Hein. Ce sont des manœuvres qui ne parlent pas français ou très mal, et qui vont à l'hôpital et qui sont très mal perçus par le personnel hospitalier. Parce qu'on dit, on ne comprend pas. Vous voyez, ils viennent, ils se plaignent, mais on ne sait pas ce qu'ils ont. Ils nous disent, j'ai mal partout, docteur, etc. Mais enfin, bon, quels sont les symptômes? Ils n'arrivent pas à expliquer les symptômes parce qu'effectivement, ils n'ont pas la culture, si vous voulez, qui leur permet de donner, ils pourraient en arabe, si vous voulez, donner, disons, des significations plus précises, mais ils n'ont pas la connaissance suffisante du français, de l'anatomie telle que les Français le montrent. Donc, si vous voulez, ils sont extrêmement stigmatisés, ils sont l'objet d'un racisme extrêmement fort. Et donc ça, si vous voulez, ça interpelle Fanon. Hein. Il se dit, donc, est-ce que ces personnes, si vous voulez, qui est-ce que quelque part, ils ne me ressemblent pas un peu, est-ce que quelque part, ne sont pas aussi décolonisés, si vous voulez, qui, avant, moi, je suis, maintenant, j'ai atteint un niveau qui me distingue d'eux, mais quelque part, je relève comme ils relèvent un peu de la même situation coloniale, hein, coloniale qui fait que, si vous voulez, en général, c'est plutôt des... La majorité des populations sont d'abord considérées comme indigènes et puis comme après sous-citoyens, mais on n'arrive pas vraiment à pouvoir devenir ce qu'ils souhaitent de devenir. Donc ceci conduit à Fanon, il a écrit Paul Masculon, on pourra répondre dans la question s'il vous plaît, donc Paul Masculon, c'était plutôt la situation aux Antilles, hein. C'était effectivement les Antillais qui sont noirs mais qui s'imaginent blancs, voyez, qui s'amine, ils ont une peau noire, mais ils ont des masques blancs, c'est-à-dire ils ont une interprétation de leur propre réalité, hein, ils sont trompés dans leur propre réalité, ils ont une fausse conscience, dit Lukács, hein, donc ils ont une fausse conscience d'eux-mêmes, hein, donc ils ne comprennent pas effectivement quelle est leur réalité, et ça au niveau de tout un tas de phénomènes.